Voyage dans l'univers, tu traverses des galaxies entières, tu aperçois des vaisseaux étranges, tu espères rencontrer les conquérants de l'espace. Et tu cherches les horizons nouveaux. Te poser, tu voyages au gré de ton destin. La terre, enfin l'espoir de t'installer, faisant le tour et regardant mille questions envahissent ton esprit. Te poser, tu voyages au gré de ton destin. Contemple sa beauté de marine, écoutant tous ses chants magnifiques, tu as même envie de danser tellement tu désires t'amuser. Et tu cherches te poser, tu voyages au gré de ton destin. Peace. soudain. L'angoisse et la peur envahissent ton esprit. Tu comprends que ce n'est qu'une illusion. Bonheur. Alors, tu repars à la conquête de l'espace. Tu cherches des horizons nouveaux. Tu voyages au gré de ton destin et tu cherches des horizons nouveaux. Tu ne sais où te poser. Tu voyages au gré de ton destin.